Chapitre 2e. À Saint-Cloud, une petite villa située sur l'un des points les plus élevés du plateau, le long d'un chemin peu fréquenté. Il est 11 heures du soir. Monsieur Lenormand a laissé son automobile à Saint-Cloud et, suivant le chemin avec précaution, il s'approche. Une ombre se détache. « C'est toi, Gourel ?»« Oui, chef. »« Tu as prévenu les frères d'Outeville de mon arrivée ?»« Oui. » Votre chambre est prête, vous pouvez vous coucher et dormir. À moins qu'on essaie d'enlever Pierre-le-Duc cette nuit, ce qui ne m'étonnerait pas, étant donné le manège de l'individu que les d'Outeville ont aperçu. Ils franchirent le jardin, entrèrent doucement et montèrent au premier étage. Les deux frères, Jean et Jacques d'Outeville, étaient là. « Pas de nouvelles du prince Cernine ?» leur demanda-t-il. « Aucune, chef. » Pierre-le-Duc, il reste étendu toute la journée dans sa chambre du rez-de-chaussée ou dans le jardin. Il ne monte jamais nous voir. Il va mieux ? Bien mieux. Le repos le transforme à vue d'œil. Il est tout dévoué à Lupin ? Au prince Cernine plutôt, car il ne se doute pas que les deux, ça ne fait qu'un. Du moins, je le suppose. On ne sait rien avec lui. Il ne parle jamais. Ah, c'est un drôle de pistolet. Et il n'y a qu'une personne qui ait le don de l'animer, de le faire causer, et même rire. C'est une jeune fille de Garches, à laquelle le prince Cernine l'a présentée, Geneviève Ernemont. Elle est venue 3 fois déjà. Encore aujourd'hui, il ajouta en plaisantant, je crois bien qu'on flirte un peu. C'est comme son Altesse le prince Cernine et Madame Kesselbach. Il paraît qu'il lui fait des yeux, ce sacré Lupin. Monsieur Lenormand ne répondit pas. On sentait que tous ces détails, dont il ne paraissait pas faire état, s'enregistraient au plus profond de sa mémoire, pour l'instant où il faudrait en tirer les conclusions logiques. Il alluma un cigare, le mâchonna sans le fumer, le ralluma et le laissa tomber. Il posa encore 2 ou 3 questions, puis, tout habillé, il se jeta sur son lit. « S'il y a la moindre chose, qu'on me réveille. Sinon, je dors. Allez, chacun son poste. » Les autres sortirent. 1 heure s'écoula. 2 heures. Soudain, M. Lenormand sentit qu'on le touchait et Gourel lui dit « Debout, chef, on a ouvert la barrière. » « Un homme, 2 hommes. Je n'en ai vu qu'un. La lune apparut à ce moment. Il s'est accroupi contre un massif. Et les frères d'Outeville ? Je les ai envoyés dehors par derrière. Ils lui couperont la retraite quand le moment sera venu. » Gourel saisit la main de M. Lenormand, le conduisit en bas, puis dans une pièce obscure. « Ne bougez pas, chef. Nous sommes dans le cabinet de toilette de Pierre-le-Duc. J'ouvre la porte de l'alcôve où il couche. Ne craignez rien. Il a pris son Véronal comme tous les soirs. Rien ne le réveille. Venez là. Hein ? La cachette est bonne. Ce sont les rideaux de son lit. D'ici, vous voyez la fenêtre et tout le côté de la chambre qui va du lit à la fenêtre. Elle était grande ouverte, cette fenêtre. » Et une confuse clarté pénétrait, très précise par moments, lorsque la lune écartait le voile des nuages. Les deux hommes ne quittaient pas des yeux le cadre vide de la croisée, certains que l'événement attendu se produirait par là. Un léger bruit, un craquement. « Il escalade le treillage, » souffla Gourel. « C'est haut, 2 mètres, 2 mètres 50. » Les craquements se précisèrent. « Va-t'en, Gourel, » murmura le Normand. « Rejoins les d'Outeville, ramène-les au pied du mur et barrez la route à quiconque descendra d'ici. » Gourel s'en alla. Au même moment, une tête apparut au ras de la fenêtre, puis une ombre enjamba le balcon. Monsieur Lenormand distingua un homme mince, de taille au-dessous de la moyenne, vêtu de couleur foncée et sans chapeau. L'homme se retourna et, penché au-dessus du balcon, regarda quelques secondes dans le vide comme pour s'assurer qu'aucun danger ne le menaçait. Puis il se courba et s'étendit sur le parquet. Il semblait immobile, mais au bout d'un instant, M. Lenormand se rendit compte que la tache noire qu'il formait dans l'obscurité avançait, s'approchait. Elle gagna le lit. Il eut l'impression qu'il entendait la respiration de cet être, et même qu'il devinait ses yeux, des yeux étincelants, aigus, qui perçaient les ténèbres comme des traits de feu et qui voyaient eux à travers ces ténèbres. Pierre-le-Duc eut un profond soupir et se retourna. De nouveau le silence. L'être avait glissé le long du lit par mouvements insensibles et la silhouette sombre se détachait sur la blancheur des draps qui pendaient. Monsieur Lenormand avait allongé le bras, il l'eut touché. Cette fois, il distingua nettement cette respiration nouvelle qui alternait avec celle du dormeur, et il eut l'illusion qu'il percevait aussi le bruit d'un cœur qui battait. Tout à coup, un jet de lumière. L'homme avait fait jouer le ressort d'une lanterne électrique à projecteur, et Pierre Leduc se trouva éclairé en plein visage, mais l'homme, lui, restait dans l'ombre, et M. Lenormand ne put voir sa figure. Il vit seulement quelque chose qui luisait dans le champ de la clarté, et il tressaillit. C'était la lame d'un couteau, et ce couteau effilé, menu, stylet plutôt que poignard, lui parut identique au couteau qu'il avait ramassé près du cadavre de Chapman. Le secrétaire de M. Kesselbach. De toute sa volonté, il se retint pour ne pas sauter sur l'homme. Auparavant, il voulait voir ce qu'il venait faire. La main se leva. Allait-elle frapper? M. Lenormand calculait la distance pour arrêter le coup. Mais non, ce n'était pas un geste de meurtre, mais un geste de précaution. Si Pierre Leduc remuait, s'il tentait d'appeler, la main s'abattrait. Et l'homme s'inclina vers le dormeur comme s'il examinait quelque chose. La joue droite, pensa M. Lenormand, la cicatrice de la joue droite, il veut s'assurer que c'est bien Pierre Leduc. L'homme s'était un peu tourné, de sorte qu'on n'apercevait que les épaules, mais les vêtements, le par-dessus, étaient si proches qu'il frôlait les rideaux derrière lesquels se cachait M. Lenormand. Un mouvement de sa part, pensa-t-il, un frisson d'inquiétude, et je l'empoigne. Mais l'homme ne bougea pas, tout entier à son examen. Enfin, après avoir passé son poignard dans la main qui tenait la lanterne, il releva le drap de lit, à peine d'abord, puis un peu plus, puis davantage, de sorte qu'il advint que le bras gauche du dormeur fut découvert et que la main fut à nu. Le jet de la lanterne éclaira cette main, quatre doigts s'étalaient, le cinquième était coupé à la seconde phalange. Une deuxième fois, Pierre Leduc fit un mouvement. Aussitôt la lumière s'éteignit, et durant un instant l'homme resta auprès du lit, immobile, tout droit. Allait-il se décider à frapper? M. Lenormand eut l'angoisse du crime qu'il pouvait empêcher si aisément, mais qu'il ne voulait prévenir cependant qu'à la seconde suprême. Un long, un très long silence. Subitement il eut la vision inexacte, d'ailleurs, d'un bras qui se levait. Instinctivement il bougea, tendant la main au-dessus du dormeur. Dans son geste, il heurta l'homme. Un cri sourd. L'individu frappa dans le vide, se défendit au hasard, puis s'enfuit vers la fenêtre. Mais M. Lenormand avait bondi sur lui et lui encerclait les épaules de ses deux bras. Tout de suite, il le sentit qui cédait et qui, plus faible, impuissant, se dérobait à la lutte et cherchait à glisser entre ses bras. De toutes ses forces, il le plaqua contre lui, le ploya en deux et l'étendit à la renverse sur le parquet. « Ah, je te tiens !» murmura-t-il, triomphant. Et il éprouvait une singulière ivresse à emprisonner de son étreinte irrésistible ce criminel effrayant, ce monstre innommable. Il se sentait vivre et frémir, rageur et désespéré, leurs deux existences mêlées, leurs souffles confondus. « Qui es-tu ? » dit-il. « Il faudra bien parler. » Il serrait le corps de l'ennemi avec une énergie croissante, car il avait l'impression que ce corps diminuait entre ses bras, qu'il s'évanouissait. Il serra davantage, et davantage. Et soudain, il frissonna des pieds à la tête. Il avait senti, il sentait une toute petite piqûre à la gorge. Exaspéré, il serra encore plus, la douleur augmenta. Et il se rendit compte que l'homme avait réussi à tordre son bras, à glisser sa main jusqu'à sa poitrine et à dresser son poignard. Le bras, certes, était immobilisé, mais à mesure que M. Lenormand resserrait le nœud de l'étreinte, la pointe du poignard entrait dans la chair offerte. Il renversa un peu la tête pour échapper à cette pointe. La pointe suivit le mouvement et la plaie s'élargit. Alors il ne bougea plus, assailli par le souvenir des trois crimes et par tout ce que représentait d'effarant, d'atroce et de fatidique cette même petite aiguille d'acier qui trouait sa peau et qui s'enfonçait, elle aussi, implacablement. D'un coup, il lâcha prise et bondit en arrière. Puis, tout de suite, il voulut reprendre l'offensive, trop tard. L'homme enjambait la fenêtre et sautait. « Attention, Gourel !» cria-t-il, sachant que Gourel était là, prêt à recevoir le fugitif. Il se pencha. Un froissement de galets, une ombre entre deux arbres, le claquement de la barrière, et pas d'autre bruit, aucune intervention. Sans se soucier de Pierre-le-Duc, il appela « Gourel, Doudeville !» Aucune réponse, le grand silence nocturne de la campagne. Malgré lui, il songea encore au triple assassinat, au stylet d'acier. Mais non, c'était impossible. L'homme n'avait pas eu le temps de frapper. Il n'en avait même pas eu besoin, ayant trouvé le chemin libre. À son tour, il sauta, et faisant jouer le ressort de sa lanterne, il reconnut Gourel qui gisait sur le sol. « Crebleu ! » jura-t-il. « S'il est mort, on me le paiera cher. » Mais Gourel vivait, étourdi seulement, et quelques minutes plus tard, revenant à lui, il grognait. « Un coup de poing, chef, un simple coup de poing, en pleine poitrine. Mais quel gaillard !» Ils étaient deux, alors. Oui, un petit qui est monté, puis un autre qui m'a surpris pendant que je veillais. Et les Doudeville, pas vus. On retrouva l'un d'eux, Jacques, près de la barrière, tout sanglant, la mâchoire démolie, l'autre, un peu plus loin, suffoquant, la poitrine défoncée. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? » demanda M. le Normand. Jacques raconta que son frère et lui s'étaient heurtés à un individu qui les avait mis hors de combat avant qu'ils n'eussent le temps de se défendre. Il était seul. Non, quand il est repassé près de nous, il était accompagné d'un camarade plus petit que lui. « As-tu reconnu celui qui t'a frappé ? » À la carrure, ça m'a semblé l'anglais du Palace Hôtel, celui qui a quitté l'hôtel et dont nous avons perdu la trace. Le major ? Oui, le major Parbury. Après un instant de réflexion, M. le Normand prononça « Le doute n'est plus permis. Ils étaient deux dans l'affaire Kesselbach, l'homme au poignard qui a tué et son complice, le major. « C'est l'avis du prince Cernin, » murmura Jacques Doudeville. « Et ce soir, » continua le chef de la sûreté, « ce sont eux encore, les deux mêmes. » Et il ajouta « Tant mieux. On a 100 fois plus de chance de prendre deux coupables qu'un seul. » Monsieur le Normand soigna ses hommes, les fit mettre au lit, et chercha si les assaillants n'avaient point perdu quelque objet ou laissé quelque trace. Il ne trouva rien et se coucha. Au matin, Gourel et les Doudeville, ne se ressentant pas trop de leurs blessures, il ordonna aux deux frères de battre les environs, et il partit avec Gourel pour Paris, afin d'expédier ses affaires et de donner ses ordres. Il déjeuna dans son bureau. À 2 heures, il apprit une bonne nouvelle. Un de ses meilleurs agents, Dieuzy, avait cueilli à la descente d'un train venant de Marseille l'Allemand Steinweg, le correspondant de Rudolf Kesselbach. « Dieuzy est là, » dit-il. « Oui, chef, » répondit Gourel. « Il est là avec l'Allemand. Qu'on me les amène. » À ce moment, il reçut un coup de téléphone. C'était Jean Doudeville qui le demandait du bureau de Garches. La communication fut rapide. « C'est toi, Jean, du nouveau ?»« Oui, chef. » « Le major Parbury, eh bien, nous l'avons retrouvé. Il est devenu espagnol et il s'est bruni la peau. Nous venons de le voir. Il pénétrait dans l'école libre de Garches. Il a été reçu par cette demoiselle. Vous savez, la jeune fille qui connaît le prince Cernin, Geneviève Ernemont. Tonnerre !» Monsieur le Normand lâcha l'appareil, sauta sur son chapeau, se précipita dans le couloir, rencontra Dieuzy et l'Allemand et leur cria « À 6 heures, rendez-vous ici !» Il dégringola l'escalier, suivi de Gourel et de 3 inspecteurs qu'il avait cueillis au passage, et s'engouffra dans son automobile. À Garches, 10 francs pour boire. Un peu avant le parc de Villeneuve, au détour de la ruelle qui conduit à l'école, il fit stopper. Jean Doudeville, qui l'attendait, s'écria aussitôt « Le coquin filé par l'autre côté de la ruelle il y a 10 minutes. Seul ? Non, avec la jeune fille. » Monsieur le Normand empoigna Doudeville au collet. « Misérable, tu l'as laissé partir, mais il fallait. Mon frère est sur sa piste. »« Belle avance, il le sèmera, ton frère. Est-ce que vous êtes de force ?» Il prit lui-même la direction de l'auto et s'engagea résolument dans la ruelle, insouciant des ornières et des fourrés. Très vite, ils débouchèrent sur un chemin vicinal qui les conduisit à un carrefour où s'embranchaient 5 routes. Sans hésiter, Monsieur le Normand choisit la route de gauche, celle de Saint-Cucufa. De fait, au haut de la côte qui descend vers l'étang, ils dépassèrent l'autre frère Doudeville qui leur cria « Ils sont en voiture, 1 kilomètre !» Le chef n'arrêta pas. Il lança l'auto dans la descente, brûla les virages, contourna l'étang et soudain jeta une exclamation de triomphe. au sommet d'une petite montée qui se dressait au-devant d'eux, il avait vu la capote d'une voiture. Malheureusement, il s'était engagé sur une mauvaise route. Il dut faire machine arrière. Quand il fut revenu à l'embranchement, la voiture était encore là, arrêtée. Et tout de suite, pendant qu'il virait, il aperçut une femme qui sautait de la voiture. Un homme apparut sur le marchepied. La femme allongea le bras. Deux détonations retentirent. Elle avait mal visé sans doute, car une tête surgit de l'autre côté de la capote et l'homme, avisant l'automobile, cingla d'un grand coup de fouet son cheval qui partit au galop, et aussitôt un tournant cacha la voiture. En quelques secondes, M. Lenormand acheva la manœuvre, piqua droit sur la montée, dépassa la jeune fille sans s'arrêter et hardiment tourna. C'était un chemin forestier qui descendait, abrupt et rocailleux, entre des bois épais, et qu'on ne pouvait suivre que très lentement, avec les plus grandes précautions. Mais qu'importait ? À 20 pas en avant, la voiture, une sorte de cabriolet à deux roues, dansait sur les pierres, traînée, retenue plutôt, par un cheval qui ne se risquait que prudemment à pas compter. Il n'y avait plus rien à craindre, la fuite était impossible. Et les deux véhicules roulèrent de haut en bas, cahotés et secoués. Un moment même, ils furent si près l'un de l'autre que M. Lenormand eut l'idée de mettre pied à terre et de courir avec ses hommes. Mais il sentit le péril qu'il y aurait à freiner sur une pente aussi brutale, et il continua, serrant l'ennemi de près, comme une proie que l'on tient à portée de son regard, à portée de sa main. « Ça y est, chef, ça y est !» murmuraient les inspecteurs, étreints par l'imprévu de cette chasse. En bas de la route s'amorçait un chemin qui se dirigeait vers la Seine, vers Bougival. Sur terrain plat, le cheval partit au petit trot, sans se presser, et en tenant le milieu de la voie. Un effort violent ébranla l'automobile. Elle eut l'air, plutôt que de rouler, d'agir par bond ainsi qu'un fauve qui s'élance. Et, se glissant le long du talus, prête à briser tous les obstacles, elle rattrapa la voiture, se mit à son niveau, la dépassa. Un juron de M. Lenormand. Des clameurs de rage. La voiture était vide. La voiture était vide. Le cheval s'en allait paisiblement, les rênes sur le dos, retournant sans doute à l'écurie de quelque auberge environnante où on l'avait pris en location pour la journée. Étouffant sa colère, le chef de la sûreté dit simplement « Le major aura sauté pendant les quelques secondes où nous avons perdu de vue la voiture, au début de la descente. » « Nous n'avons qu'à battre les bois, chef, et nous sommes sûrs. De rentrer bredouille. Le gaillard est loin, allez. Et il n'est pas de ceux qu'on passe deux fois dans la même journée. Ah, crénom de crénom !» Ils rejoignirent la jeune fille qu'ils trouvèrent en compagnie de Jacques Doudeville et qui ne paraissait nullement se ressentir de son aventure. Monsieur Lenormand, s'étant fait connaître, s'offrit à la ramener chez elle et tout de suite il l'interrogea sur le major anglais Parbury. Elle s'étonna. « Il n'est ni major ni anglais. Il ne s'appelle pas Parbury. Alors il s'appelle Juan Ribera. Il est espagnol et est chargé par son gouvernement d'étudier le fonctionnement des écoles françaises. » Soit, son nom et sa nationalité n'ont pas d'importance. C'est bien celui que nous cherchons. Il y a longtemps que vous le connaissez. Une 15aine de jours. Il avait entendu parler d'une école que j'ai fondée à Garches, et il s'intéressait à ma tentative au point de me proposer une subvention annuelle, à la seule condition qu'il pût venir de temps à autre constater les progrès de mes élèves. Je n'avais pas le droit de refuser. Non, évidemment, mais il fallait consulter autour de vous. « N'êtes-vous pas en relation avec le prince Cernine ? C'est un homme de bon conseil. »« Oh, j'ai toute confiance en lui, mais actuellement il est en voyage. »« Vous n'aviez pas son adresse ?»« Non. Et puis que lui aurais-je dit ? Ce monsieur se conduisait fort bien. Ce n'est qu'aujourd'hui... Mais je ne sais... Je vous en prie, mademoiselle, parlez-moi franchement. En moi aussi, vous pouvez avoir confiance. »« Eh bien, monsieur Ribera est venu tantôt. » Il m'a dit qu'il était envoyé par une dame française de passage à Bougival, que cette dame avait une petite fille dont elle désirait me confier l'éducation et qu'elle me priait de venir sans retard. La chose me parut toute naturelle. Et comme c'est aujourd'hui congé, comme M. Ribera avait loué une voiture qui l'attendait au bout du chemin, je ne fis point de difficulté pour y prendre place. Mais enfin, quel était son but ? Elle rougit et prononça « M'enlever, tout simplement ». Au bout d'une demi-heure, il me l'avouait. « Vous ne savez rien sur lui ?»« Non. Il demeure à Paris ? Je le suppose. Il ne vous a pas écrit ? Vous n'avez pas quelques lignes de sa main, un objet oublié, un indice qui puisse nous servir ? Aucun indice. Ah, cependant, mais cela n'a sans doute pas d'importance. Parlez, parlez, je vous en prie. Eh bien, il y a 2 jours, ce monsieur m'a demandé la permission d'utiliser la machine à écrire dont je me sers, et il a composé, difficilement car il n'était pas exercé, une lettre dont j'ai surpris par hasard l'adresse. Et cette adresse, il écrivait au journal et il glissa dans l'enveloppe 20 timbres. Oui, la petite correspondance sans doute, fit le Normand. J'ai le numéro d'aujourd'hui, chef, dit Gourel. Monsieur le Normand déplia la feuille et consulta la 8e page. Après un instant, il eut un sursaut. Il avait lu cette phrase rédigée avec les abréviations d'usage. Nous informons toute personne connaissant Monsieur Steinweg que nous voudrions savoir s'il est à Paris et son adresse. Répondre par la même voie. Steinweg, s'écria Gourel, mais c'est précisément l'individu que Dieu y nous amène. Oui, oui, fit Monsieur le Normand lui-même. C'est l'homme dont j'ai intercepté la lettre à Kesselbach, l'homme qui a lancé celui-ci sur la piste de Pierre-le-Duc. Ainsi donc, eux aussi, ils ont besoin de renseignements sur Pierre-le-Duc et sur son passé. Et aussi, ils tâtonnent. Il se frotta les mains. Steinweg était à sa disposition. Avant 1 heure, Steinweg aurait parlé. Avant 1 heure, le voile des ténèbres qui l'opprimait et qui faisait de l'affaire Kesselbach la plus angoissante et la plus impénétrable des affaires dont il eût poursuivi la solution, ce voile serait déchiré.